Bonjour monsieur, j'aurais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. Des pastilles ou du sirop? Les deux. Il faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui monsieur. Ce sera tout? Non, on voudrait aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. C'est une véritable épidémie.